François Morel, c'est à vous. En ce vendredi 22 juin 2018, je voudrais rendre hommage à une émission d'humour et de divertissement qui a fait les plus belles heures de Canal+ et de son esprit. L'esprit Canal est devenu injustement synonyme d'esprit branchouille, parisien, arrogant, quand il a été aussi un souffle d'invention, de jeunesse, de fantaisie, né à la fin du siècle dernier. Souvenez-vous de tous ceux qui, pendant des années, nous ont fait rire, notamment Antoine Decaune, José Garcia, Jean-Yves Lafesse, Jacques Berroyer, Yolande Moreau, Nadine Morano. Oui, en ce vendredi 22 juin 2018, je voudrais saluer cette émission espiègle, insolente, subversive, irrévérencieuse, et qui a réussi pendant plus de 25 ans à passer entre les gouttes de la censure, de l'interdiction, de la pétrification, du cynisme, de la gravité, de l'esprit de sérieux. Je veux naturellement parler de... Groland et sa principauté ont survécu à tout, à tous, à François Mitterrand, au bebop, au nul, aux déchiens, aux essais nucléaires sur Mururoa, à André Rousselet, à Alain de Greff, au Concorde, à Johnny Hallyday, à la boîte à coucou, aux majorettes datant du Crétacé inférieur, à Pierre Belmar qui, avec un documentaire fait il n'y a pas si longtemps, le 25e anniversaire de l'émission, à Mamie Kékette, à son président, l'immourable et pourtant mort, mais cependant président pour l'éternité, l'immense et poétique Christophe Salingros. Oui, bien sûr, forcément, quand ce vendredi 22 juin 2018, je voudrais porter un témoignage de respect, de laïque piété à l'expression de cet esprit si frondeur, si français, qui subsistera même, et oui, tiens, pendant que j'y pense, au Guignol, définitivement mort aujourd'hui même, mais enterré depuis plusieurs mois par l'homme d'affaires et fossoyeur Vincent Bolloré qui, apprend-on cette semaine, par complaisante obscénité, après avoir obtenu celle de toutes les autres, aurait réclamé la tête de sa propre marionnette avant de l'exposer dans son salon breton comme un trophée de guerre, une guerre d'usure, dépouillant l'ennemi de tout ce qui faisait sa force et sa richesse, le vidant de sa sève, de sa substance, changeant son équipe, son esprit, bradant son âme à tel point que le jour de sa mort, plus personne n'est là pour le regretter, pour le pleurer. Mort des Guignols, mais survie jusqu'à quand de Groland. Souvenons-nous à jamais des trois principes de la principauté, joie, hospitalité, lâcheté. Souvenons-nous de ces devises, santé, bonheur, santé, bonne humeur. Groland, je mourirai pour toi et souhaiterons donc une aussi longue vie que, bah oui, tiens, pendant que j'y pense, au Guignol, le Guignol des Champs-Élysées, situé dans les Jardins Marigny et qui célébrera demain et après-demain, entre 11h et 23h, son 200e anniversaire. Vous y allez ? Ah bon ? Grave. Bah oui, grave. Alors, courage, le plaisir de l'insolence n'est peut-être pas tout à fait mort. À ciao, bonjour. Merci François Morel.